franges trop bien lissées pour camoufler l'acné. Une dégaine qui ne ressemble à rien. Nul ne sait que devient cet humain. Chaque week-end allongé dans sa vodka gerbée, paraît qu'il y en a qui fument du foin. Nul ne sait ce qu'il verra demain. Nul ne sait ce qu'il verra demain.